t'enlève la vie. Parce que t'as commis l'interdit, t'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, je t'enlève la vie. Parce que t'as commis l'interdit, t'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils, je te ligote les mains, en fait je te les cloue. Puis avec une perceuse, je te perce les genoux. Je compte reproduire les actes de Fofana. Pour une autre raison, t'as touché la mama. Une claque, réveille-toi. Tourne pas de l'œil, c'est dans 3 semaines que ta carcasse ira dans le cercueil. Ils recueilleront ta dépouille dans un sac poubelle. Puis à l'autopsie, ils verront pendant 12 ans, t'es pas la lacet. Car dans des tripes, ils y ont bu des lames de rasoir. T'as pas le choix de te retenir, imagine-toi foutoir. Je m'inspire du film Zozeng. Un peu comme le type qui se pète les bras dans son sac. Entre l'ongle et le doigt, je te rentre une aiguille. Puis j'en ferai un bouquin que j'exposerai dans les librairies. Je te taille à chaque coin de la bouche pour que t'apprennes à terre. Ta femme me fait des gâteries, elle est maintenant célibataire. Je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils, c'est l'insomnie, je vois des ovnis. J'ai promis que tu sens, tu vomis. J'ai commis, enfin je me suis permis de faire de la chimie, sois content, t'as été admis. Eh oui, ça fait déjà 2 semaines que tu subis le même sort que sur hôtel. Pour pas mourir de soif, tu bois ton sang mélangé à un peu d'essence. Je compte te cuire et que tu sois bien grillé. Je te coule la bouche pour t'interdire griller. Je vais te couper un membre pour l'envoyer à tes parents. Avec un mot écrit dessus, faites-moi un virement. Plus le temps passe et je me vois aux informations. Ils m'attraperont jamais car ceci sera la porte de mon évasion. Quand tu perds tout, comment tu veux perdre plus? Et il n'y a pas de sortie, il n'y a aucune astuce. Je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils, pendant que l'autre agonise, je me prépare à l'arrestation. Je vais les accueillir avec toute mon attention. Ils vont subir la rage des suicidaires. Je vais leur commettre des matons de la conscience d'une bosse d'intromadaire. Ils vont se rappeler de ma colère et de ma détermination. J'arrêterai la faute, moi, la décision de moi. Respiration. Bref, assez parlé. Je m'exécute, j'ai une présence derrière moi. Donc avec mon pouce kick, je le culbute, on m'a encerclé. Je constate aucune issue de secours. J'allume le gaz, y'en a un qui branche, j'allume le four. Je me note ce GIGN au radiateur. Simule un coup de feu pour piéger le piégeur. Forcément, ils pensent tous qu'il m'a abattu. Ils vont tous rentrer et sentir la chaleur de mon attaque pointue. Forcément, ils pensent tous qu'il m'a abattu. Ils vont tous rentrer et sentir la chaleur de mon attaque pointue. Je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, je t'enlève la vie parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, je t'enlève la vie. Parce que t'as commis l'interdit. T'as franchi la ligne qui nous séparait. C'est genre de choses qui ne peuvent pas être réparées. Fils de pute, tu sais, gars, j'ai pas fait ce morceau pour faire mon intéressant ou pour faire de l'ego trip. J'ai fait ce morceau pour ouvrir les yeux des gens et surtout pour montrer ce côté que tout être humain est capable de commettre. Tout acte, tout crime, selon la situation, selon toute cause.